atlas. Parce qu'elle est immuable, que nous on s'efface. Parce qu'elle est le plus ronde de ce que l'on sait faire. On lui donne le droit de vie sur terre. Non, pas qu'elle nous rend service. On oublie ses dérives. Non, non, pas qu'elle est fructueuse. On porte ses mérites. Un bon coup de valise laisse de la poussière. Alors que le cachet en étoile et même la terre. Elle est plus puissante, encore et savante. Une vraie symphonie orchestrée par magie. Chaque jour elle est plus forte, on est toujours ses frères. Et lorsqu'on est de loin, elle a le goût du miel. Mais lorsqu'elle se rapproche, tous nos cœurs s'emballent. Et quand elle s'approche, c'est qu'elle en regarde. Putain, alors elle existe. Non, putain, alors elle persiste. Oh putain, et c'est pas la triste. Non, putain, même si c'est triste. Un enfant africain nous fait une bornée de place. Une plaque de brute qui sent un peu l'arnaque. De jouer un peu de cache-cache. Une route barrée, un rue plus une trace. Rouge de ronce, d'en profiter sans savoir non. Sans manquer de cautionner. Demandez-moi qu'elle se propage. Et si ou là, nos cerfs en platine rouge. Elle oublie chaque fois une partie d'elle-même. En plus, nos bas, les présents par milliers. Mille feux d'artifice. Pour des générations, c'est une vraie actrice. Et quelle que soit sa source, divine ou maligne, elle est toujours la même et sur la même ligne. Elle engraisse des gens alors qu'elle en emporte. Des innocents, cela n'existe pas. Il y a toujours un X, cela n'existe pas. On a tous un sale titre et puis merde ici bam. Elle sera le fric et nous on partage pas. Comme ça, ça fructifie. Un enfant africain, on prie une cornée de glace. Une plaque de brute qui semble un peu l'arnaque.